Bienvenue à Aucun outil requis. Je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau et au cours de l'année scolaire 2012-2013, François-Olivier Marchand et moi nous sommes partagés la co-animation de l'émission matinale Assemblage requis avec Mathieu Plante. Aucun outil requis est l'occasion pour nous de retourner en arrière afin de vous permettre d'entendre des chroniques que vous avez peut-être manquées. À chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un sujet ou un chroniqueur qui sera en vedette pour l'heure au complet. Dans cet épisode, on se concentre sur Maxime Pagué et ses chroniques de découverte musicale. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée. Attendez-vous à découvrir des groupes extraordinaires recommandés par un expert. Bonne émission! Maxime Pagué, sa chronique qu'on va lui demander de nommer aujourd'hui avec une émotion... Inquiet. Oh, inquiet. Oh. C'est quoi le nom de cette chronique? Non, c'est pas ça. C'est... Mais c'est qui ce band-là? J'en ai aucune idée. Bravo! On aime ça. On dirait que tu fais « Salut les enfants! » Oui, hein? Oui, je me dandine un petit peu. Des petites marionnettes ou? Je pourrais pas dire. Je pense que c'est un mix entre Sigur Rós et le clip de NSYNC. Bye, bye, bye. Ouais, c'est ça, exact. On dirait des petits crocodiles quand ils font bye-bye. Donc, Maxime Tanguier, j'en ai aucune idée. C'est qui ce Ben-là, là? C'est Mute Math, ce matin. On s'attaque à un bon groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a de cela quelques années. Par une orage, non. Lors d'une chaude nuit d'été. Oui, c'est ça, non, tout simplement en allant l'acheter. Et dans le fond, c'est un band de la Nouvelle-Orléans. Donc, ben de Nouvelle-Orléans, Louisiane, oui. Aux États-Unis. Et contrairement à ce que peut inspirer cette origine, c'est pas du rock sudiste. Absolument pas. Non. En fait, c'est un rock alternatif avec des petits côtés un peu synthétisés de temps en temps. Qui se perd avec le temps. Mais c'est quoi de super agréable, de super accessible pour tous. C'est très dynamique comme musique que j'aime beaucoup. Et band qui se résume en Paul Meany, principalement, qui est le chanteur et qui est le joueur de piano, clavier et guitar. Guitar! Guitar! Oh, yeah. C'est rare. Ça fait longtemps que c'est très rare. Oui, c'est. Puis il l'utilise judicieusement. À bon escient. À bon escient, oui. J'allais dire un truc qui commençait avec un A apostrophe, mais on dirait que j'ai comme. Apostrophe. Je parle mon français. Bref, voilà, donc Paul Meany, c'est Roy Mitchell, Cardenas, Todd Gummerman et Darren King, qui est un batteur, ma foi, étonnant, parce qu'il... comment je pourrais dire ça? Il joue de la batterie comme si sa vie en dépendait. C'est vraiment quelque chose à voir aller. Et c'est donc Mute Math est un band qui est très accessible, on peut le considérer peut-être un petit peu estival, mais vu qu'avec le temps, dans leur discographie, ils se sont variés quand même dans le style, c'est un band qui peut quand même plaire à tous et à tout moment. Et ils ont été reconnus surtout pour leur vidéoclip dès le départ, c'est-à-dire le vidéoclip principalement de Typical, qui est une chanson, le premier simple de leur premier album qui est éponyme, donc Mute Math. Et le vidéoclip a été tourné entièrement à l'envers. OK. Donc, donc ils ont tous appris leur partie à l'envers. Hey boy. Et puis le clip, il le rejoue à l'endroit ou ça le joue? Ils ont joué à l'envers live puis ils se sont filmés. Puis, ils l'ont filmé à l'envers puis ils ont reviré ça pour que ça redevienne un faux à l'endroit. Cool ça. C'est vraiment c'est étrange. Et je vous rappelle qu'il y a un batteur dans le groupe. C'est assez. Il a appris ses parties à l'envers le gars. Puis ils ont fait une performance live de ça. je me rappelle pas quelle émission, peut-être Jules Holland ou un truc du genre. Okay. Et ils ont refait la performance du vidéoclip mais à l'envers. Mais c'est sûr que au moment de la diffusion, ça a été diffusé. À l'envers, en droit. Ouais. Enfin bref, on se comprend. Ouais, mais il y a des versions sur Internet qui sont disponibles pour nous montrer qu'ils l'ont vraiment, vraiment tout tapé. Puis t'entends la toune qui joue dans les moniteurs pour leur donner où est-ce qu'ils sont rendus, mais t'entends juste un chaos total tout le long. Ouais, c'est ça. Puis Paul Meany qui a appris les paroles à l'envers. En tout cas, bref. Moi, je trouve ça particulier. Ils se sont fait beaucoup connaître grâce à ce clip-là. Et ils ont toujours gardé des petits concepts amusants comme ça aussi. On peut voir Spotlight aussi qui a été. Heureusement ou malheureusement. Oui, dans une vanne, mais c'est heureusement ou malheureusement dans la trame sonore de Twilight. Ben non, mais les Twilight ont tous une excellente trame sonore, oui. Je crois, les trois en tout cas. Oui, tout à fait. Oui, qu'il y en a eu. C'est même étonnant. Oui, effectivement. Très bon. J'écouterai pas le film, mais peut-être que j'aimerais le CD de la trame sonore. C'est ça qui est fou. Les pièces sont pas toutes au complet dans le film, tu sais. Fait que si tu écoutes le film pour la musique, tu vas être un petit peu déçu. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. C'est pas un film de ce jeune homme canadien qui est Scott Pilgrim. Oh, Ikon, que j'ai aimé ce film-là. Ikon, ouais. Hein? Là, tu me rejoins. Ah ouais, je te rejoins, là. Ah ouais, ah ouais. Et lui, c'est Michael Cera. Michael Cera, qui a toujours des films super indie, puis ouais. C'est comme mon alter ego en film. Il est hot. Moi, c'est vrai qu'il est hot. Donc, Mute Math, qui ont, à l'heure actuelle, présentement, 3 albums. Donc, le premier, Mute Math, qui est génial, qui est vraiment, vraiment à posséder dans sa discographie, qui est, dans sa discothèque, pardon, qui est sorti en 2006. Il y a Armistice, qui est sorti en 2009. Armistice, qui est cette période d'entre-guerre où il y a une paix. Mm-hmm. Et Odd Soul, qui est sorti en 2011, c'est-à-dire l'année dernière. Et la progression qu'on voit de Mute Math, c'est qu'ils s'en vont vers un son plus mature et un petit peu plus blues aussi, dans leur, qui est déjà dans leur origine à la base. On dirait qu'ils vont accentuer ça avec le temps, okay. ce qui est bien intéressant. Donc, des beaux moments, je pense, qu'on peut vivre avec Mute Math, mais on peut en vivre aussi des quand même si ça bouge, on peut vivre des moments très doux, très intimes. Fait que c'est ce que je vous propose ce matin. Et je vous propose les pièces Chaos, qui est tiré du premier album, Mute Math, la chanson-titre du deuxième, c'est-à-dire Armistice. Et si on a le temps, si on a le temps, on pourrait aller avec Blood Pressure, qui est le premier simple du troisième album, qui est Odd Soul, qui est sorti l'année dernière. Parfait, on écoute ça dans le bloc. C'est qui dans ce band-là? J'en ai aucune idée. Everything around's breaking down my chaos. I always see you. to you when my sight is lost. Heaven around's breaking down my chaos. I know you stay true when my world is lost. Everything around's breaking down my chaos. I always see you when my sight is lost. Heaven around's breaking down my chaos. Donc voilà, c'était Mute Math en double avec Chaos et Armistice. Mm-hmm. Et je crois que j'ai réussi à me négocier un Blood Pressure par la suite. T'es convaincant pas mal, Maxime Tanguay. T'as travaillé fort. Ouais, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé très, très fort. Là, oui. beaucoup de travail et de sueur. Cela dit, je dois déjà vous quitter, oui. Mais voilà, comme vous avez pu voir, je te mets l'esprit dans les deux pièces là, qui est très dynamique, qui est très rythmé. Peut-être que, avec Blood Pressure, c'est aussi dans ce domaine-là, fait que je réalise à l'instant que j'aurais pu amener peut-être un petit côté plus tranquille de Mute Math. Mais cela dit, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous allez aussi aimer probablement le côté plus tendre de Paul Meany. C'est ça. Donc voilà. Et vous avez aussi le côté plus blues, les brass et tout. Voilà. On va écouter ça dans quelques secondes. On te retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est mardi à 7h30. C'est comme, oui, comme toujours. À peu près dans ces coins-là. Oui. C'est ça. On aime ça. Ça va être un autre bon groupe, là, je pense. Ouais, ben, moi, j'ai bien aimé ton Mute Math, pas mal. Oh, oui, c'est très bien. Ouais. Mais François, tu connaissais déjà... Ben, je connaissais une pièce Chaos. OK. En fait, je pense la plus populaire, là, je pense. Oui, assurément, oui. Mais non, c'est super bon. Écoute, tu m'as rappelé d'en faire jouer. Ah, bon, c'est excellent. Parfait. Mission accomplie. Mission accomplie, tout à fait. Bravo, Maxime, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On se quitte avec Blood Pressure, tout de suite de Mute Math à Assemblage Rocky. Maxime Tanguay, oui. Qui va nous présenter sa chronique comme si il me... Vas-y, François, une idée. Mais, ouais, j'ai comme une idée un peu saugrenue, okay. Peut-être ce matin. Okay. Un bébé qui pleure. Hey, j'ai vraiment aucun talent pour les enfants. On aime faire des enfants. T'es-tu en train de dire que t'es important? Une personne non. Très importante. Non. On tombera pas dans le vif du sujet, mais en tout cas... au contraire, Mathieu. Au contraire. Non, Hey, c'est quoi ce band-là? Très bien réussi. Ouais. Oh, Maxi Chou! C'est Maxi Chou! Il est dans mes mots! Hey, mais sincèrement, Quand je fais de l'impro, un rôle en bas de 15 ans, même 15 ans, c'est difficile, mais en bas de ça, je suis vraiment aucunement capable. C'est quoi la différence entre 15 ans et 14 ans, mettons? Puberté, cher. Puberté. Oh, muet. Ouais. Mais quoi que la voix muée, d'habitude, c'est correct, là, mais... Ben, c'est celle que t'as. On dirait que l'attitude, je sais pas. Hier, on a fait une impro pour enfants, puis je suis convaincu que ça a été mauvais parce que j'ai fait un enfant dedans. Parce que pour le reste, c'était pas ça. Mais c'est pas évident à faire un enfant, là. Non, vraiment pas. Puis moi, je trouve ça niaiseux, parce que souvent, il faut que tu marches chez les genoux. Oh, ouais. Je trouve ça nono. Fait que juste ça, ça me fait rire. Là, on parle vraiment de jouer un enfant, parce que faire un enfant, c'est les genoux. Ouais, ça se fait. Ouais. Ça se fait. Dis-moi en plus. Bon. Donc, Maxime Tanguay, c'est la chronique, c'est qui déjà se bat là, j'en ai aucune idée. Oui. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Écoute, j'avais dit que je tomberais dans mon mode hivernal, là, et c'est ce que je fais. Mais je me suis dit, tant qu'à tomber dans de l'électro, là, puis de pas donner le goût à personne de se lever à matin, je me suis dit, ben, voyons là un hivernal différent. Déjà, c'est difficile même de se lever en ce moment, là. Oui, c'est vrai, Mais au moins, on a plus de soleil le matin que le soir, parce qu'honnêtement, 4 heures quand il fait noir, c'est vrai. Ouais. Bref, These New Puritans que je vous présente ce matin. Oui, c'est Nouveaux Puritains. Un puritain étant, je crois, une sorte de religion de freak. Ben, un peu, oui, en fait. Sort of freak. J'ai pas les détails, mais je sais qu'il y a un excellent épisode des Simpsons là-dessus. Bref, These New Puritans, donc un groupe de l'Angleterre, de Southend-on-Sea, en Angleterre, qui est une région que je ne connais absolument pas, sauf par ce groupe-là. Et c'est un groupe de hard rock. Avec une tendance indie, surtout dans leur mentalité, parce qu'on sait le côté indépendant de la chose, c'est souvent des bands qui n'auront pas nécessairement d'étiquette qui va leur dire quoi faire. Ouais. Et c'est beaucoup la mentalité, je crois, que de These New Puritans, parce que le son en tant que tel n'est pas nécessairement ce qu'on qualifie d'indie. Quoique, c'est assez large comme terme. Indie veut rien dire en tant que tel, je pense. Oui, hein, je pense que finalement, effectivement. Mais bon. Donc, tu disais du heart, juste pour être sûr. Du heart rock. Rock comme du cœur. Non, du heart comme de l'art. Ah, OK! Oui, rock. Oui. Et c'est dans le fond, c'est une forme de rock qui est souvent très expérimentale et surtout misée sur... comment je pourrais vous dire ça? Moi, j'ai l'impression que les deux albums qui ont sorti, c'est deux œuvres d'art. Parce que ça a été travaillé. Okay. Il y a des pièces qu'on sent qui ont été placées là, à un certain endroit, pour une certaine direction artistique. Et c'est souvent des choses qui vont sortir un peu des sentiers battus qui n'ont pas de référent, vraiment. Là. Je crois qu'un des plus bels albums de hard rock que j'ai écouté, c'est Kid A de Radiohead, qui était justement cette forme de eux avaient un style établi, un côté un peu plus alternatif rock, tendance prog. Et là, bang, ils sont tombés avec Kid A, qui était super électro, avec des voix robotisées, des éléments qui sont un peu incompréhensibles. C'est un peu ça, le mouvement hard rock, qui n'a pas nécessairement de points repères, c'est, on va dire, du punk, c'est du trois accords, c'est du, tu sais, ben pas le gros, mais les notes de musique. Les notes de musique. Et c'est très cadré. Le hard rock, c'est là un peu moins. Fait que c'est souvent, à un moment donné, on va voir quelques éléments comme ça artistiques qui ressortent, qui définissent le groupe. Et eux, justement, vont tomber beaucoup dans l'expérimental parce qu'ils vont souvent faire des albums qui sont un tout. En fait, c'est écouter un album de These New Puritans, vous l'écoutez au complet pour vraiment tout saisir. Peut-être qu'il y en avait deux, donc ils font souvent des albums, ça veut dire ils ont fait deux albums qui étaient comme ça. Oui, exact. Okay. Oui, effectivement, tout à fait. Juste pour être sûr. Oui, eh bien, tu fais bien de le souligner. Eux autres, comment ils vont amener ça, leur côté un peu plus rock, c'est que ça sonne immense, du These New Puritans. Surtout le deuxième album, on écoute ça et on a l'impression d'être attaqué quasiment par cette musique-là, mais c'est j'ai de la misère à le décrire. Ça t'enveloppe. Oui, vraiment. Mais vous allez le voir avec les pieds, je pense que ça va être vraiment le plus parlant. Je vais passer à un autre point. Mais vraiment, c'est très, très, très particulier, mais c'est excellent. Deux albums, comme je disais, Beat Pyramid, qui est sorti en 2008, qui est vraiment une espèce d'album qu'il faut écouter dans son ensemble, parce qu'ils vont souvent aller rechercher des sections d'une chanson pour les remettre dans une autre. Ah, c'est une bonne idée, Oui, puis l'introduction de l'album, c'est Say It Twice, I will Only Say It Twice, mais le titre a été coupé en deux. Et la première partie de l'introduction de l'album, c'est la fin de cette phrase-là. Et la dernière, le outro, c'est le début de la phrase. Fait que c'est comme si il faisait un loop. Si t'as mis sur repeat, ça va. Ouais. Oui, à la limite, effectivement, on va pouvoir comprendre là, la phrase au complet. C'est super intéressant. Puis leur thématique sur Beat Pyramid, c'est beaucoup tout ce qui est numérologie, tout ce qui est couleur, tout ce qui est interprétation des choses peut-être un peu futiles. Mais eux vont essayer de chercher un sens plus élargi à ça. Et c'est ensuite Eden qui est sorti en 2010. qui est un bijou, qui a été un de mes albums de l'année en 2010. C'est vraiment génial. C'est un bijou de production. C'est vraiment... La batterie est dure, est lourde, est présente. Quand tu vas embarquer, on dirait que tu traverses un mur de son quand tu partes leur chanson. C'est des chansons qui sont un petit peu plus longues, un petit peu plus travaillées, peut-être un petit peu plus planantes aussi que Beat Pyramid, qui avait un côté quand même rock-punk un peu assumé. Mais Hidden, c'est vraiment... écoutez, c'est un bijou. De là, pourquoi la terminologie art rock? J'ai vraiment l'impression que c'est une petite œuvre d'art qu'ils ont réussi à faire. C'est magnifique. Ils vont même chercher des sons dans l'extrait que je vous ai amené, Attack Music, de Hidden, du deuxième album. On entend des bruits d'épées qui sont sortis de leur fourreau et ça fit dans la chanson. Ça va, ils ont vraiment été chercher des éléments. On entend des chaînes à un moment donné, des beats avec des chaînes. On entend beaucoup d'effets de voix qui sont super intéressants. C'est vraiment là, c'est à découvrir, c'est incroyable. Je pense que je vais vous lancer tout de suite dans des écoutes. On irait avec Beat Pyramid, avec la chanson Colors, qu'on va voir justement le côté peut-être un peu plus rapide, un peu plus intense du premier album, et Attack Music de Hidden, où on va voir le côté un peu plus planant, plus... je cherche mon terme, vous allez peut-être m'aider après l'avoir écouté, là, okay. Mais je cherche le terme. Ça fait 2 ans que je cherche le bon terme pour décrire cet album-là. On va travailler là-dessus. C'est un défi, ça? C'est un défi. Mais vraiment, pour quelqu'un qui aime la musique travaillée, de quoi qui sort des sentiers battus, les Impertinents, c'est génial. On écoute ça dans le cadre d'Assemblage Ricky pour qu'on parle d'art. Et ça. Oh. C'est qui déjà ce band-là? Hein? J'en ai aucune idée. Mais hein? C'est These New Puritans. Ah. Comment ça marche notre gag? Hein? Oui, vraiment. Pas cool. Donc, j'espère que personne n'a pris son épée à la maison pour aller attaquer le voisin. Là, mais c'est ça que j'ai dit hors d'onde, en fait. J'ai oublié de préciser que, justement, Hidden, c'est un album qui était très thématique guerre. Fait que tant sur les bruits d'épée, sur les bruits de chaîne, et le verre cassé qu'on a entendu, les voix qui rappellent quasiment une armée derrière le chanteur. Fait que c'est génial. Puis j'ai appelé ton sens geek en disant que ces deux chansons ont été utilisées pour Assassin's Creed Revelations, oui, sur Hidden, justement. Ubisoft. Donc, Ubisoft, voilà, voilà. Dont le troisième est sorti, mais que j'ai absolument pas joué. Non. Donc, ça fait pas longtemps, hein? Il est sorti très récemment. La pub joue encore à la télé. Exact. Ça fait même pas un mois. T'es encore tout chaud encore. Mm-hmm. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? Ah oui, une de leurs inspirations, c'est les Schtroumpfs. Oui, oui. Ben on sent très bien le le Gargamel et... Ah oui, oui, oui, définitivement. Le chat, à un moment donné. Là. Le chat Ronron. Je ne me rappelle jamais son nom. Là, mais... Ben, le chat de Gargamel, là. Hein? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'il s'appelait? Mais il est... Bref. Ah, je ne me rappelle plus. Hey, c'était quoi le mot que tu voulais qu'on trouve pendant ta chronique? Là, pendant ta conjoncture de la musique, tu nous as dit qu'au retour, il fallait qu'on trouve un mot qui allait décrire cette musique-là. Oui, puis en fait, c'était pour m'aider, parce que je ne l'ai toujours pas trouvé moi-même. Mais c'est très... Ben, ça se résume en... François-Olivier, tantôt, t'as dit « ça s'écoute fort ». Ben, c'est mais, l'impression que ça me donne, ouais. Ben, je pense que c'est ça, en fait. C'est ça. Ça sonne fort, faux. Ouais, ça, ouais. C'est immense comme musique, je trouve. Ça sonne très bien aussi. Là. Oui. Contrairement au premier album qui avait de quoi de bien intéressant, parce que justement, ça sonnait plus ou moins bien. On voyait que c'était fait avec peu de budget. Et celles-là, ils ont énormément de budget, puis ils sont allés chercher une autre sonorité qui est intéressante, mais qui est immense. Là. Une sorte de densité vide, c'est ça qui est particulier. Comme on dit, les moments les plus lourds, souvent, dans une pièce, c'est les silences. Ouais, on dirait que c'est un peu le principe qu'ils ont appliqué sur cet album-là. Fait que c'est vraiment... particulier. J'aime beaucoup. Ouais, voilà. C'est très bon. Et tu sais, des fois, on parle de musique industrielle. Moi, je dirais plus musique d'usine, parce qu'on dirait que c'est comme vraiment sur... On dirait du travail à la chaîne. On dirait que, tu sais, ouais. Toutes les... Ouais, bon, là, ça, c'est l'épée. Oups, ça, c'est l'épée. Tu sais, puis les choses s'imbriquent les unes dans les autres. C'est comme du travail... Tout à fait, ouais. Genre d'usine avec des enfants en arrière qui chantent, tu sais. C'est de mince, l'image. Mais, ça me donne dans ma tête. On parle pas de... Parce qu'il y avait des enfants qui... On dirait qu'il y avait des enfants qui chantent en arrière. Mais, c'est, mais oui, en fait, c'est, je crois que c'était ça aussi, bon. Effectivement. Je crois que c'est vraiment un cœur d'enfant. Ouais, t'es pas fou, pas tout. Et qui est présent tout le long de l'album, mais qui ne travaille pas dans l'industrie salaire. Des souliers. Ouais. C'est ça, à 8 cents, là. Mais très, oui, très belle remarque. Effectivement, ça peut être... Ça touche un peu à l'industriel aussi, ou à... C'est ça. Bon, c'est ça. À l'usine. Voilà. Le groupe s'appelle These New Puritans. Voilà. Et prenez ça en note. Et le chat de Gargamel, c'est Azrael. Bon. Azrael, voilà. Merci, François. Tout à fait. Hey, Alex Drouin doit être en train de se revirer de bord dans son lit, là. À chaque fois que je perds un nom, c'est pas des farces, ce gars-là, c'est tellement un référent, je l'ai texté pour connaître le nom des Tortues Ninja il y a pas longtemps. Heureusement, pour mon honneur, je les ai trouvés avant qu'ils me répondent. Leonardo, Donatello. Alfredo. Leonardo, Donatello, Raffaello. Raphaël, hein? Michelangelo. Oh, il est fort. Oui. Scooby-Doo. Puis Scooby-Doo. Non, voilà. Mais ça, c'est pas tordu. En fait, il paraît qu'il y a un costume de chien, mais c'est une tordu. Ouais, il paraît. Un sac. En tout cas, j'ai vérifié mes sources. Là, okay. Tu nous en reparles. Azrael, le chat de Gargamel. Au retour, d'autres chroniques de la part de nos précieux collaborateurs. Vous écoutez Aucun outil requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Retour à Aucun outil requis. Dans cette émission estivale, on rassemble chaque semaine quelques chroniques diffusées pendant l'année scolaire 2012 et 2013. N'oubliez pas que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est là que vous pourrez retrouver toutes nos chroniques originales. Je suggérerais, donc par hasard total, Maxime Tanguay, de présenter ta chronique en tant que dictateur, s'il te plaît. Dieu, je fais que je fais un bon dictateur. Attends un petit peu. Hey, c'est qui ce Ben-là? Avec la main là. Oui, j'aurais pu aussi reprendre le fameux vidéo de la chute où on a manié ça à toutes les sauces de Hitler qui pète sa coche dans le bureau. C'est génial, ouais. Hey, ouais. Tu sais, je veux dire, autre que ça, je veux dire, c'est un excellent film. À peu près 99% de la population connaît juste cette scène-là. Mais c'est une excellente scène. Oui, ah oui, définitivement. Windows 8! Ouais, ah oui, il y en a une sur toutes les sauces. Hey, là. Les Canadiens, Pauline Marois. Oui. Ben, à Lac. Le premier que j'avais vu, moi, c'est quand il avait changé à Lac. Puis, ah, c'est vrai, il vous aussi, annonçait, parce que... là, puis c'était quoi? Beau. Quand c'est la première fois que tu le vois, je pense que c'est excellent. Oui. À vrai, ça devient dérivatif, ou comment on appelle ça, t'sais? Ouais, c'est ça. Fad. C'est un peu comme la trilogie sequel de Star Wars. Par Disney? Oui. T'as pas... Hey, le méchant, c'est Mickey Mouse. Hey, c'était quoi dans le jeu de Mickey Mouse, le méchant, hein? C'est dans le temps? C'était bon, c'est l'espèce de... C'est pas le... Je sais pas si c'est un chien, mais il me semble le gros bonhomme chien avec des... Il manquait des dents. Je pense que c'est bien ça. Ouais. Ouais, je me rappelle pas son nom, je connais pas assez. On parle à François-Olivier, je pense. Ouais. Ouais. Donc, quelque chose que Hitler n'a pas couvert dans son monologue, c'était les anguilles. Non, jamais il n'a parlé, pas à ma connaissance du moins. Non. Jamais il y a donc anguilles sous roche. Exactement. Si exactement. C'était peut-être en fait le secret même des anguilles. C'est le secret de la sauce chez PF. Voilà. Mais par contre, la chose qui n'aura plus de secret pour vous, c'est Heels, le groupe. Oh. Ouais, je vais en garder un ou deux. Question de sa vie privée. Okay. Mais en fait, Heels, oui, qui est un... On va dire un groupe, mais en fait, c'est surtout Mark Oliver Everett, surnommé E, qui est le seul membre constant du groupe et principal compositeur, principal parolier, en fait, seul compositeur, seul parolier. C'est lui qui fait tout. Il fait vraiment tout. Il fait vraiment tout, et, mais il est souvent accompagné de musiciens, puis c'est généralement les mêmes quand même qui vont graviter autour de lui. Mais Eels, c'est Mark Oliver Everett, qui est né un 10 avril 1963 et qui a 49 ans, ce qui est quand même étonnant en le voyant, parce qu'il n'a pas l'air d'un gars de 49 ans, mais quand même. Il a l'air plus jeune? Oui, il a l'air plus jeune. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et il est né en Virginie, aux États-Unis. Et là, écoute, c'est, on va dire, un rock indie alternatif. Ça joue un peu là-dedans avec des fois des petits éléments un peu plus low-fi. Mais le gars, il est... je pense qu'il est maniaco-dépressif, bon. Pour vrai. Mais en même temps, faire un bref historique de sa vie, qui a pas été drôle. Il a commencé, il a sorti son album Beautiful Free, qui est son tout premier album en 96, qui a eu un grand succès un peu partout dans le monde, et que les gens ont proclamé, ont fait « Ah, mon Dieu, c'est la prochaine... c'est le prochain grand artiste, grand musicien qu'on a. » Et ensuite, ben, il est arrivé plein de drames dans sa famille, dont le principal qui est le décès de sa mère suite au cancer, qui l'a vraiment sacré à terre, mais d'une façon royale. Fait que les deux autres albums qui ont suivi sont vraiment lourds et noirs. Mais moi, j'aime ça parce que ça ajoute une certaine profondeur, mais le gars était vraiment dépressif, là, ben, totalement. Et on dirait que, malheureusement, les auditeurs qui étaient habitués à un son peut-être plus joyeux, j'imagine. Plus joyeux, mais... Il y avait quand même le côté très cynique de Everett qui était déjà présent dans ses paroles, mais qui est souvent doublé d'une musique joyeuse. Fait que si t'écoutes pas les paroles, tu penses que c'est une tune qui est le fun, mais c'est pas tant. Mm. C'est vraiment pas le fun, en fait, ce qu'il dit des fois. Mais là, ça tombait vraiment juste dans de quoi de plus dramatique et tout. Et c'est ce qui a forgé un peu l'identité de Eels, cette espèce de mouvement où on passe d'une chanson très, très joyeuse à de quoi de super dramatique, et en gardant tout le temps une constante de soit de malheur ou de cynisme des paroles. C'est vraiment... moi, je trouve ça génial. Honnêtement, là, portez attention aux paroles qu'on va vous faire jouer tantôt. Là, c'est assez... ça fait dresser les cheveux de sa tête, là, des fois. C'est les thèmes qui reviennent souvent, c'est solitude, peine d'amour, mort et maladie. Sa mère revient souvent dans ses paroles depuis son décès. Il parle parfois de suicide également. Est-ce que c'est du sien ou... On le sait pas, puis je pense que, sincèrement, on veut pas nécessairement le savoir, je crois. Donc, c'est ça, mais toute la musique autour, par contre, c'est un compositeur exceptionnel. Il a fait beaucoup de matériel. Il sort son 10e album en février 2013. Et il y a pas d'album, tant qu'à moi, qui est pas intéressant, qui a pas un petit quelque chose. Et c'est pas parce qu'il a pas essayé il a essayé de se casser la gueule, on dirait, parce qu'il y a, entre autres, un album double qui est... L'album avec lequel je l'ai découvert, qui est Blinking Lights and Other Revelations, qui est sorti en 2005. Puis souvent, les albums doubles, dans ce style de musique-là, un peu Melancholy and the Infinite Sadness des Smashing Pumpkins, c'est intéressant, mais c'est risqué quand même parce que c'est beaucoup de matériel. Et lui a rempli la mission totalement. C'est un album qui est magique, qui est à écouter, qui est à posséder, qui est excellent. Et par la suite, comme il a pas réussi à se péter à gueule avec un album là, il s'est dit, je vais faire une trilogie, comme nos amis Green Day, sauf que lui, c'est bon. Et je m'excuse. Ça va loin, là. Hey, ça a sorti tout seul. Tu t'emportes. Hey, c'est bon. Non, mais le troisième sort bientôt, j'ai assez hâte de pas l'écouter. Et dans le fond, lui a sorti Umbrellobo, Hand Times et Tomorrow Morning, qui est une trilogie qui a sorti en 2009-2010, échelonnée sur 9 mois environ, à peu près. Et c'est là qu'on voit le côté maniaco-dépressif, je pense, du bonhomme. Parce que c'est trois albums qui ont sorti en même pas un an, puis c'est génial. Il y en a pas un qui est décevant ou qui est plate ou qui est redondant. Non, c'est très bien fait, les trois. Mais ça se ressemble pas. Non, pas du tout, parce que c'est un voyage. Moi, l'interprétation que j'en fais, je crois que c'est exact, en fait, dans sa vie pour vrai. C'est que dans Umbrellobo, il est en amour avec une fille. Fait que c'est un album qui est très... qui est très joyeux, qui est ça très va bien. Beau, ça va bien, c'est dans son high. End Times, elle le sacre, là. Oh non! Parce que là, il parle... Ça n'a pas été long, en plus, là. Non, vraiment pas. Je ne sais pas comment il a procédé ça, mais End Times, là, il est arrivé avec cette grosse barbe. Il était un peu dépressif. Ses chansons, c'est sur vieillir, c'est la solitude, c'est se faire les peines d'amour, et c'est vraiment pas drôle. Et Tomorrow Morning, on dirait qu'il a fini par faire nah, ça arrive. Fait que c'est pas bon show. C'est son album le plus léger. Okay. Et une sorte de paix intérieure, on dirait, qu'il vit durant Tomorrow Morning, où c'est tout est beau, tout est correct, dans le fond, tu sais, puis hein. Demain est un autre jour. Mais c'est carrément ça. Oui. C'est carrément ça. Fait que c'est magique. C'est vraiment excellent. Donc, performance très émotive également sur scène. C'est un gars qui est très électrique à voir en show pour ne pas comme faire... Comme une anguille électrique, exactement. C'est ça? Waouh, wow. Je t'ai vu venir. Mathieu, là. On connecte. Oui, hein, Mathieu. On connecte. C'est quoi après? Non, OK. Et... Donc, c'est ça, en gros, Eels. Je vous invite à écouter, d'ailleurs, Novocaine for the Soul, qui est la première chanson de Beautiful Freak. Ensuite, on va entendre Going Fetal de Blinking Lights and Other Revelations. Et d'ailleurs, c'est là que je vous dis, fiez-vous pas au ton de la chanson, parce que les paroles sont pas le fun. Si vous les comprenez, là, désolé. Je vous laisse l'expérience. Après, je vous dirai de quoi ça parle exactement. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et finalement, on va y aller avec un côté plus dépressif, End Times, la chanson-titre du deuxième album de la trilogie, pour vous montrer c'est quoi ces moments plus bas. Donc voilà, c'est Eels, Mark Oliver Everett, surnommé E. Et on conjugue pendant ce temps-là le verbe, et c'est je tue Eel, nouveau Eels. J'aime ça. On se comprend. Befrel, Befrel. C'est Befrel. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. down and curl on up, just like a little helpless pup. All right, everyone is going fetal. Everyone is going fetal. Everyone is going fetal. Everyone is going fetal. Donc, c'était le côté dramatique, si on peut le dire, de Hills avec sa blonde qui l'a sacré là. Mais... Qui dit... C'est fini. Oui, c'est fini. Moi pis toi, c'est fini. Ça fait... Exact, exact. Il parle grosso modo d'un homme qui dit qui appelle que la fin des temps est arrivée parce que sa blonde est partie. En tout cas, c'est assez... Bref, Going Fetal, est-ce que vous avez découvert c'est de quoi il parlait? Ça a l'air d'être genre, si tout va mal, mets-toi une petite boule. Ben, c'est en fait la technique quand il y a un bombardement. Oh. De se mettre en position fœtus sous un bureau pour essayer de se protéger. Et c'est ça qu'il dit. Everybody is going fetal. C'est super joyeux et tout, mais finalement, c'est la technique pour essayer de survivre à une attaque aérienne, une frappe de missile. Comme avec Hitler, là? Entre autres. La thématique de la chronique d'aujourd'hui. Voilà, voilà, Hitler. C'est ce qui termine cette édition d'Aucun outil requis. Un grand merci à chacun de nos chroniqueurs. Je vous rappelle que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est le jeudi de 14h à 18h, en rappel les samedis à midi et les dimanches à 10h.